Alors, on y parle de la vie de Duncan, de sa vie amoureuse, de sa rivalité avec un jeune un peu plus âgé que lui, un notable de Titan. Et Duncan espère être à la hauteur de la tâche qui lui incombe, c'est-à-dire de diriger en quelque sorte Titan. Même s'il y a un peu de flou, le fait de diriger ne donnerait pas de grand pouvoir. Et surtout ne donnerait pas une grande richesse. Bon, pourtant, il semble bien n'avoir aucun souci de ce côté-là. Titan fournit de l'hydrogène à la Terre, de l'hydrogène nécessaire à la fusion, l'énergie ultime. Les voyages dans la galaxie, ou plutôt dans le système solaire, se font à l'aide d'engins. Donc c'est l'accélération continue jusqu'à ce que tout à coup, hop, on inverse la poussée pour freiner à nouveau. J'ai oublié, mais il y a une technologie très pointue qui sert à propulser ces engins-là. Donc vient le jour où Duncan doit aller sur la Terre. Alors je crois qu'il y a des raisons économiques. Il y a aussi le 5e centenaire des États-Unis, bien sûr, les États-Unis, et il y a aussi le fait que Duncan doit éventuellement se trouver un enfant. En fait, se faire un nouveau clone. Voilà. Il a aussi sur Terre l'envie de retrouver une femme qu'il avait aimée sur Titan. Je crois qu'il avait eu quelques relations sexuelles avec elle. Mais surtout, cette femme était beaucoup plus amoureuse de Karl, le fameux rival de Duncan sur Titan. Ce rival, d'ailleurs, qui aurait mal tourné. Une dépression. Mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, Duncan arrive sur la Terre, et là, il est émerveillé par un monde. Un peu surprenant, c'est une belle vision de l'avenir que me propose, on va dire, Arthur C. Clarke. Une belle vision de l'avenir parce que sur la Terre, on a 90% du sol qui est laissé en totale liberté. Par liberté, j'entends sans aucune contrainte de l'homme. Donc, on recrée des forêts primaires en quelque sorte. Mais sur une énorme surface, sur vraiment une très très grande proportion. Restent quelques villes, et des villes a priori où tout va beaucoup mieux qu'avant, une pollution quasi nulle. Alors parmi les réflexions intéressantes d'Arthur C. Clarke, on a notamment l'automobile. Alors l'automobile, c'est fascinant. La conduite est automatique sur tous les axes principaux, c'est-à-dire que l'homme donc ne touche pas le volant. Et à un moment, sur l'autoroute, Duncan demande à l'homme qui le guide sur la Terre, lui dit, mais il est un peu inquiet de voir des voitures passer si près de lui. Et il demande si vraiment, si la conduite est automatique ou non. Et bien sûr, l'homme le rassure. Bien sûr pour lui, mais pas pour nous. L'homme le rassure en lui disant que sur Titan, ça fait très longtemps qu'on a criminalisé la conduite manuel sur les axes majeurs. C'est-à-dire qu'il est bien sûr parfaitement illégal de conduire manuellement, que c'était bien sûr trop dangereux, etc. On en est loin aujourd'hui. Est-ce qu'un jour on y viendra? C'est possible, mais en attendant. Un autre point intéressant, c'est. Ah oui, une petite réflexion sur le temps. Rapidement, en passant, Arthur C. Clarke fait dire à ses personnages que, bien sûr, sur la Terre. Il s'excusait auprès de Duncan parce qu'il y avait une petite tempête qui avait légèrement secoué l'avion, qui atterrissait, l'avion qui fait la navette entre une station orbitale et la Terre. Et Duncan arrivant, donc on lui dit, désolé pour le temps, cela fait déjà très longtemps que nous avons désactivé le contrôle climatique depuis en fait l'événement suivant, c'est la neige. Un 4 juillet aux États-Unis. Donc, depuis ce moment-là, on a arrêté le contrôle climatique. Je trouve que c'est un beau clin d'œil. Et Arthur C. Clarke a finalement, sur le plan écologique, a tout compris. Il semble avoir compris qu'en fait, notre problème, c'est de vouloir contrôler. Et on n'en est pas à la hauteur. Et finalement, le futur, c'est d'accepter de laisser aller au maximum la nature. Alors, il y a aussi une réflexion, bon, alors c'est peut-être la plus importante sur le plan politique, très intéressante. Il se trouve que la présidence des États-Unis est à ce moment-là donnée à une femme. Si j'ai bien compris, il y a aussi un dirigeant planétaire qui est l'un des dirigeants. Voilà. Mais déjà, l'élection interne aux États-Unis est amusante car il semblerait, enfin, c'est pas il semblerait, mais la nouvelle règle dans le futur, c'est que on établit dans un premier temps une liste de tous les gens capables de remplir cette fonction. Alors ça, c'est quand même déjà un gros point. Mais enfin, sur le principe, c'est ça. C'est-à-dire que on fait une liste de tous les gens capables de remplir la fonction. Et l'ordinateur en choisit un au hasard. Et cette personne devient présidente. Alors là, c'est vraiment quelque chose de... Alors c'est une obligation, un peu comme, je sais pas, être juré aujourd'hui dans une cour d'assises ou ce genre de choses. C'est une obligation, et donc c'est presque un calvaire d'ailleurs pour certains, mais voilà, c'est la règle. Et là, une petite réflexion en passant d'Arthur C. Clarke qui est fascinante, il fait dire à l'un de ses personnages, Oh oui, ça fait longtemps que nous avons compris qu'il était indispensable d'éviter de donner le pouvoir à quelqu'un qui le désire vraiment, et qu'on ne peut donner le pouvoir qu'à quelqu'un qui a les capacités, certes, mais qui n'a jamais voulu l'avoir. Voilà, c'est une... un pas, je trouve, vers une forme d'anarchisme, que de penser que les gens qui veulent le pouvoir représentent un danger. Là aussi, je trouve qu'il est vraiment en avance sur son temps, un peu philosophe, et on en est très très très loin aujourd'hui.